بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في المسألة الثالثة بعد عشرين الثالثة وعشرين بعد المئة الثالثة والعشرين بعد المئة في قوله تعالى قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Qu'il est dit dans le sens Allah Azza wa Jal qu'ils diront nous avons vécu qu'un jour ou une partie du jour et demande donc à ceux qui comptent. Al-Mu'minun, verset 113. Et là, c'est la dernière masala de surat Al-Mu'minun que nous prenons aujourd'hui. قال هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يزعمون يوم القيامة أنهم ما لبثوا إلا يوما أو بعض يوم. وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك. كقوله تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. Donc ce noble verset démontre que les koufars, les mécréants, prétendront, le jour de la résurrection, du jugement, qu'ils n'ont vécu qu'un jour, une partie du jour, c'est-à-dire sur terre, cette dunya. Et d'autres versets sont venus qui démontrent l'opposé de cela. Comme dans le sens où Allah est dit, qu'ils chuchoteront entre eux et ils diront, vous n'avez demeuré que 10 jours, c'est-à-dire sur terre. Sur la Torah, verset 103. Et ça part dans le sens où il dit, que le jour où l'heure aura lieu, les criminels jureront qu'ils n'ont vécu que. Qu'ils n'ont pas vécu, ce n'est une heure. Qu'ils n'ont vécu qu'une heure, on dira comme ça. Qu'ils n'ont vécu qu'une heure, c'est-à-dire en cette dunya. Sourate Rome, verset 55. Wal jawabu an hadha bima dalla alayhi al-Qur'an, wa dhalika anna ba'dahum yaqul labithna yawman aw ba'd yawm, wa ba'dhum yaqulu labithna sa'a, wa ba'dhum yaqul labithna 'ashara. Et la réponse en cela, tout simplement, comme le prouve le Qur'an, c'est que certains d'entre eux diront que nous n'avons vécu qu'un jour ou une partie du jour, d'autres diront qu'une heure, et d'autres diront que 10 jours. En fait, ce sont différentes aqwal de différentes personnes, en réalité. Qala wa waj dalalat al-Qur'an ala hadha. Maintenant, c'est quoi la preuve de cette interprétation? Annahu bayyana an aqwahum idrakan wa arjahahum aqlan wa amthaluhum tariqatan wa man yaqul إن مدة لبثكم يوما وذلك قوله تعالى إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبثهم والعلم عند الله تعالى. C'est tout simplement que Allah a démontré que ceux qui ont une meilleure compréhension parmi eux, ces gens-là qui parleront ce jour-là, et ceux qui ont une raison plus affûtée et qui seront de meilleurs droits, de meilleures voix, diront diront que vous n'avez vécu qu'un seul jour. Et cela dans la parole, dans le sens où il dit, lorsque ceux qui ont la conduite exemplaire diront, vous n'avez vécu qu'un seul jour. C'est-à-dire, ces différents aqwal amèneront une différence, et ceux qui ont la meilleure des conduites donneront la réponse exacte qui est que vous n'avez vécu qu'un seul jour. Et cela démontre qu'il y a eu divergence entre eux dans leur parole quant à la période ou la durée qu'ils ont vécu sur terre. Et la science auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.